Le collège a été fondé sous François Ier. Le collège est absolument lié à la Renaissance. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici conviés comme chaque jour de cette semaine au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Que sont les malices de Sainte-Beuve? Qui sont ses rivaux? Comment le maître mot du célèbre critique du 19e siècle est-il le mot « vengeance » demande Antoine Compagnon. Comment l'ère du journalisme peut-elle être, selon Sainte-Beuve, celui de l'art du charlatanisme? Nous voici sur le dernier terrain de la guerre littéraire, celle peinte par Sainte-Beuve dans son cahier vert et dans son cahier brun. Antoine Compagnon, titulaire de la chaire Littérature française moderne et contemporaine, achève aujourd'hui et demain la série inaugurée en 2017 autour de la littérature comme sport de combat. Il fallait au moins deux séances consacrées à Sainte-Beuve, à cette dernière figure de l'écrivain en combattant, celui qui distille ses poisons, sinon ses couleuvres, et qui se venge, et pour lequel, cite Antoine Compagnon, les rivaux doivent être à la hauteur. « Puisqu'il nous faut avoir des ennemis, écrit Sainte-Beuve, tâchons qu'ils nous fassent honneur. » Le critique pourfend les journalistes charlatans, les écrivains qui ne s'adressent plus à leur père, et c'est encore Victor Hugo, comme hier avec Veuillot, qui est poursuivi, qualifié de baleine, de vessie. À force d'être charlatan et déclameur, il a fini par croire à ses propres phrases, critique Sainte-Beuve. Mais le grand duel qui sera analysé demain oppose un géant des lettres au corps d'athlète, Balzac, à l'homme des lundis. Antoine Compagnon analyse la métaphore militaire chez Sainte-Beuve qui met en scène l'écrivain en général. Il y a des généraux, écrit-il, qui ne peuvent assembler et manœuvrer plus de 10 000 hommes et des écrivains qui ne peuvent manier qu'une ou tout au plus deux idées à la fois. Et le cours s'achève sur les armes de la vengeance et de la malice, affaire à suivre demain aussi. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 27 mars 2018 pour le cours d'Antoine Compagnon, aujourd'hui, Malices et vengeances de Sainte-Beuve. Ce qui m'a incité à parler de Sainte-Beuve dans ce contexte d'un cours sur la littérature comme art de combat, c'est la publication l'an dernier de son cahier brun, ses notes de Sainte-Beuve, dans le cahier qu'il a tenu de 1847 à 1868. Il est mort en 1869, donc il y a un autre cahier, mais peu de choses pour la suite, qui est d'ailleurs joint à cette édition publiée par Patrick Labarthe chez Drault l'an dernier. Le premier cahier de Sainte-Beuve, le cahier vert, avait été publié en 1973 par Raphaël Mollo chez Gallimard. Il a donc fallu 44 ans pour publier le second. Et on a donc là, de 1834 à la mort de Sainte-Beuve, ces notes, dont on connaissait certaines, qui avaient été publiées par lui dans les tomes 11 des causeries du lundi, et puis en particulier dans ce volume qui s'appelle « Mes poisons ». Les poisons de Sainte-Beuve, ce sont ces notes accumulées dans ses cahiers qu'il utilise ensuite dans les articles. Et c'est une sorte d'arsenal que ces notes, que ces cahiers. Et on y trouve, et c'est ça qui m'a frappé en les lisant ou relisant dans les derniers mois, on y trouve un tableau très complet de la vie littéraire comme guerre, de l'art d'écrire comme art martial, un peu partout dans ses cahiers, et je crois que c'était une belle occasion, non pas de donner une synthèse ou une conclusion, mais du moins de clore ce cours. J'ai commencé cette année en, justement avec cette notion de mot de prédilection qui vient de Sainte-Beuve, Sainte-Beuve disant que chaque écrivain a son mot de prédilection et y repérer chez l'un ou chez l'autre le mot « colère » ou le mot « fiel ». Et ce mot qui revient dans le discours d'un écrivain que l'on peut repérer, disait-il, peut servir à qualifier celui-même qui l'emploie. On peut trouver le maître mot d'un écrivain. Et il disait de Latouche, hein, « Tout ce qu'il y a de haineux y est aussi bien peint, le mot « fiel » y revient souvent. Hein, » Je crois que j'avais utilisé ce mot. Latouche, c'est le fiel. Il parlait de Dubois qu'il avait introduit au Globe, c'est la colère. C'est un peu la signature d'un écrivain que ce mot de prédilection. Et dans son livre important sur Sainte-Beuve, Wolf Lepenis, hein, dans un livre publié en 1997 en allemand, en français en 2002, Wolf Lepenis disait que le mot de prédilection, le mot maître mot de Sainte-Beuve, qui était conscient de ce dispositif chez les autres, c'était celui de vengeance. Le maître mot du critique Sainte-Beuve, que lui-même se garde de livrer, est vengeance, écrivait Lepenis. Et bien sûr, le mot de vengeance est fréquent dans les portraits littéraires, dans les lundis de Sainte-Beuve, il revient beaucoup. Sainte-Beuve l'utilise pour les autres. Bon, il ne se présente pas lui-même comme un vengeur, mais il y a là toute une série de termes qui sont importants, courants, dans les lundis et dans tous les textes de Sainte-Beuve. Je crois qu'il faudrait ajouter à cette série représailles, la littérature comme représailles, revanche, rancune, rétribution, ou encore le mot que Sainte-Beuve utilise et auquel je reviendrai, celui de némésis. Sainte-Beuve ou la némésis. Ce serait celui-ci, on pourrait dire, le fin mot de Sainte-Beuve. Vous vous souvenez que je citais le fin mot de Nisard, après avoir écrit tout un portrait de Nisard. Eh bien, Sainte-Beuve écrivant dans ses cahiers, « Le fin mot de mon article sur Nisard est bien simple, Monsieur Nisard est un sot. » Mais ce mot « sot », bien sûr, ne figurait pas dans le portrait. C'est dans les cahiers que l'on tombe sur le fin mot que Sainte-Beuve a dû délayer. Ou lorsqu'il parle de « Villemain », je reviendrai à lui, on pourrait dire que le mot de « Villemain », c'est « peur ». Villemain, c'est la peur. Bon, je crois qu'on peut trouver dans les cahiers de Sainte-Beuve tous les tropes et figures que j'ai explorées au cours de ces années. C'est pourquoi ça donne l'occasion de faire une clôture. Je commencerai par la figure de l'athlète, qui était celle par laquelle j'avais entamé ce parcours au début de l'année dernière. L'écrivain comme athlète. Le siècle, dit Sainte-Beuve, exige désormais des écrivains qu'ils soient des athlètes à la puissante encolure. Le tempérament et la santé, donc c'est dans ce cahier brun, le tempérament et la santé jouent un grand rôle dans le talent des écrivains du jour. Quand on lit Racine, Voltaire, Montesquieu, on n'a pas l'idée de se demander s'ils étaient ou non robustes de corps, puissants et larges de carrure. Buffon était un athlète, mais son style ne le dit pas. Même si Buffon est célèbre pour la phrase « le style, c'est l'homme ». Il n'en est pas ainsi quand on lit quelques-uns de nos écrivains d'aujourd'hui. On sent bientôt qu'ils doivent être puissants, robustes. Et ils le sont en effet. Alexandre Dumas, Hugo, Eugène Sue, Balzac, Georges Sand, Théophile Gautier, Madame de Girardin. Leur style et les productions même de leur esprit accusent en quelque sorte des formes matérielles et marquent l'encolure. Il est un degré de mauvaise santé, a dit spirituellement M. Joubert, qui favorise le pur exercice de l'esprit. Et on a donc en Joubert une sorte de prototype de l'écrivain ancienne manière. En vérité, la citation de Joubert disait « Il est un degré de mauvaise santé qui rend heureux ». Et Sainte-Beuve adapte donc la citation pour ce pur exercice de l'esprit. Mais vous voyez, l'idée, c'est que un certain degré de mauvaise santé rend intelligent, pénétrant, délicat, ingénieux. Et ben ça, c'est l'Ancien Régime, c'est passé. Autant dire que Sainte-Beuve réprouve cet excès de force physique des écrivains qui sont ses contemporains. Il ajoute, toujours dans le cahier brun, « On est loin de ce raffinement parmi ces messieurs et ces dames. » Ces messieurs et ces dames d'aujourd'hui, de Balzac à Georges Sand. Et il est curieux physiologiquement de remarquer comme leur tempérament se produit jusque dans leurs œuvres littéraires. Il y a une sorte de débordement de ce tempérament dans la littérature. Bon, il me semble que c'est une réflexion importante, liée à cette entrée dans la littérature industrielle, dans la littérature moderne. Et c'est intéressant parce qu'elle se retrouve de manière à peu près littérale dans l'article nécrologique que Sainte-Beuve consacre en 1850 à Balzac. Monsieur de Balzac avait le corps d'un athlète et le feu d'un artiste épris de la gloire. Il ne lui fallut pas moins pour suffire à sa tâche immense. Sainte-Beuve n'aime pas beaucoup Balzac quand il le traite de cette manière. Ce n'est que de nos jours qu'on a vu de ces organisations énergiques et herculéennes se mettre en quelque sorte en demeure de tirer d'elles-mêmes tout ce qu'elles pourraient produire et tenir durant 20 ans la rude gageure. Quand on lit Racine, Voltaire, Montesquieu, on n'a pas trop l'idée de se demander s'ils étaient ou non robustes de corps et puissants. Buffon était un athlète. Vous voyez que c'est des années après, mais Sainte-Beuve va chercher dans ses cahiers cette amorce. Les écrivains de ces âges plus ou moins classiques n'écrivaient qu'avec leur pensée, avec la partie supérieure et toute intellectuelle, avec l'essence de leur être. Aujourd'hui, par suite de l'immense travail que l'écrivain s'impose et que la société lui impose à courte échéance, par suite de la nécessité où il est de frapper vite et fort, il n'a pas le temps d'être si platonique ni si délicat. La personne de l'écrivain, son organisation entière, s'engage et s'accuse elle-même jusque dans ses œuvres. Il ne les écrit pas seulement avec sa pure pensée, mais avec son sang et ses muscles. Donc cette nouveauté, bon, la comparaison avec Joubert, c'est le seul élément qui est laissé de côté, cette comparaison avec la délicatesse et le raffinement de Joubert. Et on n'a pas la liste de ces grands tempéraments du siècle, mais voilà, me semble-t-il, une notion essentielle sur les transformations de la condition littéraire moderne. Ça nous permet de revenir au début de ce cours. L'écrivain ne peut plus être un délicat, un être frêle, un raffiné. C'est la notion de raffinement qui est là. Au fond, un homme d'esprit. L'écrivain doit être une sorte de brute. Deuxième notion que je retrouve partout dans ces cahiers et qui, justement, était la deuxième que j'avais analysée l'an dernier pour commencer, c'est celle de l'inimitié, des ennemis. Le monde littéraire, tel que Sainte-Beuve le décrit dans ses cahiers ou dans ses annotations, est fait d'ennemis et de rivaux, en tout cas de compétition. On trouve de très nombreuses déclarations en ce sens. Par exemple, « Tout grand talent, tout personnage en vue, en même temps qu'il a ses admirateurs et ses enthousiastes, à ses ennemis naturels, ses adversaires ou ses antipathiques. C'est le nom que donne Sainte-Beuve à ses ennemis, ses adversaires, ses antipathiques. On a là une sorte de gradation inverse. Ses adversaires, c'est-à-dire le contraire de ses admirateurs, on a l'impression que c'est non pas ceux qu'il n'aime pas, mais ce sont ceux qui ne l'aiment pas. Ce sont les détracteurs, les critiques. Mais c'est aussi réciproque, puisqu'il dit un peu plus loin, et ça c'est très important dans toute cette morale de l'écriture que développe Sainte-Beuve, puisqu'il faut avoir des ennemis, tâchons d'en avoir qui nous fassent honneur. Les ennemis, là aussi, doivent être choisis. Souvenez-vous de ce que disait Baudelaire dans les conseils aux jeunes littérateurs. Il faut économiser son inimitié. Il y a donc une nécessité de se situer dans le champ littéraire, de prendre position. C'est de la tactique ou de la stratégie. Il y a beaucoup chez Sainte-Beuve dans cette nécessité d'occuper le terrain, de conquérir une place, se faire une place. C'est bien un art du terrain, c'est un art du combat, c'est un art de la bataille. Alors on peut se demander qui sont, pour Sainte-Beuve dans ses cahiers, qui sont ses antagonistes, qui sont ses rivaux. On peut sans doute dire qu'il y a d'abord les quelques aînés, et il y a des aînés qui sont assez pesants. Guizot, ils ont 10 ans de plus que lui. Guizot, Cousin, Villemain, Thiers, un peu plus jeune. Ce sont des hommes forts. Et ce sont eux qui figurent parmi ses antagonistes. Villemain, je cite ce qu'est dit de Villemain. Villemain me dit un jour, dans la cour de l'Institut, « Je vieillis et vous ne jeunissez plus. Faisons alliance. » Faisons alliance entre ces deux écrivains qui ont 10 ans d'écart. Sainte-Beuve continue. « Cela voulait dire, louez-moi toujours et je ne ferai jamais rien pour vous. » Voilà. Voilà l'alliance de dupes dans laquelle, évidemment, Sainte-Beuve n'entre pas. On pourrait penser que parmi ses antagonistes ou ses ennemis, il y a Hugo. Hugo, très proche de Sainte-Beuve, si proche qu'il l'a trompé avec sa femme. Mais justement, dit-il, il n'est pas question de mélanger l'intime et le littéraire. Pourquoi il serait impardonnable et honteux à moi de jamais attaquer Hugo et d'avoir une polémique avec lui ? Cicéron l'a dit, « Nil enim est turpius ». Quam cum eo bellum gerere, quicum familiariter vixeris. Rien n'est plus déplorable que de faire la guerre avec des gens qui ont vécu amis intimes. On ne fait pas la guerre aux amis avec lesquels on est brouillé. Ça serait laid. Mais on peut dire que les vrais ennemis, les antagonistes, les antipathiques de Sainte-Beuve, ce sont les critiques contemporains. C'est eux qui reçoivent le plus de traits d'inimitié. Par exemple, Saint-Marc Girardin, qui est le critique du journal Les Débats. Et il est l'objet constant des sarcasmes de Sainte-Beuve dans ses cahiers. Par exemple ceci, « Monsieur Saint-Marc Girardin est une de mes antipathies ». Alors, il avoue bien que celui-là se situe dans ses antipathies. Il a dans la voix des notes si fausses que je retrouve jusque dans son esprit. Jeune, il n'a jamais eu de cœur ni de foyer. Et on pourrait trouver, je ne fais que cette citation, mais il y en a beaucoup sur ce même homme qui a son âge, sa génération, qui est donc le feuilletoniste littéraire du journal Des Débats, qui est professeur de littérature française à la Sorbonne. bon, qui est un notable de la littérature, c'est vraiment un rival. Cuvier-Fleury vient d'écrire un article dans le Journal des débats contre Sainte-Beuve. C'est à la suite de l'article de Sainte-Beuve, Les regrets, qui va le brouiller avec tous ses amis, article de 1852, août 1852, où il se rallie à Louis-Napoléon Bonaparte. C'est entre le coup d'État et l'Empire, entre le coup d'État 1851 et l'Empire en 1852. L'article de Sainte-Beuve exprime son ralliement et c'est à ce moment-là bon, qu'il se brouille avec tous ses amis orléanistes, tous les anciens orléanistes, cousins, tiers, etc. Mais il est patent que ses ennemis ou ses rivaux, ce sont les autres feuilletonistes contemporains, ou encore Nisard, hein, traité de sot, qu'il lit, qu'il juge et auquel il se compare. Troisième figure à laquelle je reviens rapidement, parce qu'elle est aussi partout chez Sainte-Beuve, une figure que j'avais évoquée au début du cours l'année dernière, c'est le charlatanisme. Le charlatan. Le mot, il traverse tous les cahiers de Sainte-Beuve pendant cette bonne trentaine d'années. Le mot est là. Ça va avec l'athlétisme. Les écrivains sont des athlètes, ce sont des charlatans. Le charlatan, c'est celui qui se pousse du col, hein, qui montre son encolure, justement par opposition au délicat ou au raffiné. Voilà une citation. Mérimée me dit une chose juste et fort délicate. Mais Rimet, c'est un des rares délicats de cette période. « Dans le peu que je fais, je rougirai de ne pas m'adresser à ceux qui valent mieux que moi, de ne pas chercher à les satisfaire. Là, en effet, est le cachet de tout noble et sincère artiste. On peut se tromper, mais il faut viser à satisfaire ses égaux, paresse, ou ses supérieurs, et non pas écrire pour ceux qui ont moins de goût et d'esprit que nous, comme il faut viser en haut et non en bas. » Vous voyez une intéressante comparaison avec l'art du tireur. Or, ce dernier but semble désormais le seul que poursuivent la plupart de nos grands auteurs. « Ne me lisez pas, dit Lamartine, à quiconque lui parle des Girondins, je n'écris pas pour vous, mais pour les ateliers, pour le peuple et tutti quanti. » Donc ces écrivains qui disent « je n'écris pas pour mes pairs, mais j'écris pour le peuple ». Et Sainte-Beuve passe en revue, dont le passage se poursuit, il est assez long, et il cite Hugo, Georges Sand, Eugène Sue, Michelet, Quinet, les Siamois du Collège de France, comme disait Veuillot. Tous ces écrivains écrivent vers le bas, aux yeux de Sainte-Beuve, du moins, non pas pour satisfaire des exigences supérieures. On peut remarquer qu'il ne met pas Balzac dans cette liste, parce que Balzac, il est déjà tout en bas. Donc, c'est pas qu'il vise en haut, il est en bas et il vise en bas. Mais tous ces écrivains, et c'est ça qui les rend des charlatans, le charlatan, c'est celui qui vise en bas. Hugo ne fait pas autre chose que de chercher à enlever et à accaparer la grosse masse des lecteurs par tous les moyens. Georges Sand en est dès longtemps aux ouvriers et aux prolétaires. Eugène Sue, qui durant une certaine veine cherchait à se faire jour auprès des lecteurs distingués et même raffinés, a un jour brusquement changé ses visées et son public. Il s'est mis à flagorner tous les préjugés et les passions de la boutique et de la rue. Michelet et Quinet n'écrivent et ne parlent que pour la populace des écoles, ici même. Bon, et c'est ça donc que Sainte-Beuve appelle le charlatanisme. Le charlatanisme, c'est écrire pour le bas. Charlatanisme. Il en faut, je crois, dans la politique, dans l'art de gouverner les hommes. Napoléon disait un jour à propos de charlatan, « Charlatan, tant que vous voudrez, mais où n'y en a-t-il pas ?» Corvisart. Corvisart était son médecin. Et charlatan, et pourtant, si votre femme ou votre fille est malade, vous appellerez bien vite le charlatan Corvisart. Oui, mais dans l'ordre de la pensée, dans l'art, c'est la gloire et l'éternel honneur que le charlatanisme ne pénètre pas. C'est ce qui fait l'inviolabilité de cette noble partie de l'homme. Donc, Sainte-Beuve voudrait un code d'honneur contre cette bassesse de la visée. On rejoint ce que je disais tout à l'heure. Il faut avoir des rivaux, des comparses qui vous fassent honneur. Or, ceux-là ont des lecteurs, même, qui ne leur font pas honneur. Sainte-Beuve évoque encore Pierre Leroux, avec lequel il a commencé le Globe, et il dit qu'il y avait là déjà du charlatanisme chez Pierre Leroux, ou encore Hugo. Hugo, à force d'être charlatan et déclamateur, Hugo a fini par croire à ses propres phrases. Il y a été pris. Hugo, charlatan, et c'est intéressant parce que Sainte-Beuve écrit cette notation en février 1852. Donc Hugo vient de partir, vient d'être exilé après le coup d'État de 1851. Donc lorsqu'il évoque ce Hugo charlatan et déclamateur, c'est ce Hugo dont on avait vu la dernière fois que Veuillot condamnait la présence à l'Assemblée nationale. C'est le Hugo orateur de la montagne en 1850-1851. Donc vous voyez qu'il n'y a aucune sympathie de Sainte-Beuve pour le Hugo banni ou proscrit. Il est le charlatan et le déclamateur. Et cela concerne même Chateaubriand. Même Chateaubriand est un charlatan aux yeux de Sainte-Beuve. Monsieur Mollet, c'est Mathieu Mollet, le ministre qui a traversé tous les régimes, l'Empire, la Restauration, la Monarchie de Juillet, me fait remarquer, et c'est au moment de la mort de Chateaubriand, avec beaucoup de justesse, que la destinée de Chateaubriand offre l'exemple, peut-être unique, de tout un temps qui se fait le complice et presque le compère du charlatanisme d'un écrivain. Le charlatanisme, c'est ce compérage. On avait vu l'année dernière. Le charlatan a besoin d'un compère à la foire qui se prête au rôle emprunté que cet homme joue durant 50 ans, et cela sans le démentir un seul instant et sans lui tirer le masque par un côté. Jamais le secret de la comédie ne fut mieux gardé. Donc, Chateaubriand a eu la complicité de son public pendant 50 ans, qui a joué le rôle du compère à la foire pour ce personnage de comédien. Et Mollet, qui est au fond un homme de l'ancien régime, de l'ancienne race, très sensible à ce charlatanisme contemporain, s'en prend même au charlatanisme de Guizot. Guizot, homme politique, et il compare ce qui manque à Guizot et à ses amis au tact médical. C'est intéressant, on revient au médecin. Corvisart, charlatan pour Napoléon, mais on en a tout de même besoin. Le tact médical, sans quoi, dit Mollet, sans quoi l'on n'est jamais un vrai médecin. Il faut du tact pour être un vrai médecin. Et les charlatans, ce sont donc des écrivains qui manquent de tact. Toujours cette délicatesse, ce raffinement. Bon, le tact, évidemment, ça n'exclut pas la méchanceté. Mollet est un être très méchant. Mais le tact est ce qui s'oppose à tous ces écrivains, athlètes, comédiens. C'est une idée qui est récurrente chez Sainte-Beuve, associant charlatanisme et rhétorique. La rhétorique sert à former des charlatans. Voici un passage de Port-Royal à propos de Balzac. Mais pas le Balzac du XIXe siècle, l'autre, Guy de Balzac. Et Voici ce que dit à son propos Sainte-Beuve à propos de cette maladie littéraire qu'est la rhétorique. Jamais même, je l'ose dire, jamais peut-être aucun temps, la phrase et la couleur, le mensonge de la parole littéraire n'ont autant prédominé sur le fond et sur le vrai que dans ces dernières années. Donc il compare le temps de Guy de Balzac, bon, c'est le tic de Sainte-Beuve de comparer le passé et le présent, et il le compare à aujourd'hui. Le règne de la plume a succédé à la lettre au règne de l'épée. Le talent est de mode, comme la valeur sous l'Empire, mais avec plus de charlatanisme possible et souvent avec autant de jactance. Il y a des murats du style et de la métaphore, c'est-à-dire, sous un costume un peu changé, des Balzacs d'autrefois. La phrase pour la phrase, l'éclat pour l'éclat, comme sous l'Empire, la bravoure pour la bravoure, indépendamment du but et de la cause. On va à la conquête de la métaphore comme on allait à la conquête des drapeaux. Et on a donc cette idée que le charlatanisme est bien le mal d'une époque qui a quitté l'épée pour la plume, où le talent s'est substitué à la bravoure. Bon, et on a cette image intéressante d'un Murat du style et de la métaphore. Bon, Murat, c'est le modèle du cavalier sabreur, vaniteux, étourdi. Et vous vous rappelez qu'on a déjà vu cette image à propos du, justement, de Granier de Cassagnac, qui était appelé Murat de la diffamation lors du procès de Dujarrier et de Beauvallon. Donc Murat, le Murat du style, le Murat de la métaphore, c'est une façon de désigner celui qui confond la plume et l'épée. Sainte-Beuve insiste sur le fait que c'est le journalisme, l'ère du journalisme, qui a accru cet aspect de charlatanisme de la littérature. On trouve donc cette association de la plume et de l'épée, en effet, chez Sainte-Beuve, cette substitution de la plume à l'épée. Et Sainte-Beuve reprend cette expression de Voltaire « qui plume a, guerre a ». Elle est aussi citée par Littré à propos de l'expression « guerre de plume », expression qui est une alliance étrange de mots. La guerre de plume, qui pluma, guerra, disait Voltaire. Et si on voulait aller un peu plus loin, on pourrait découvrir chez Sainte-Beuve que l'antonyme de la plume comme épée, lorsqu'il veut dire que quelqu'un a une plume qui n'est pas bien taillée, qui n'est pas acérée, la comparaison est avec le sabot. Par exemple, quand il parle de Leroux, Leroux avait la sienne, la plume de Leroux, n'était guère plus taillée qu'un sabot. Le sabot, c'est la plume de celui qui n'a pas beaucoup encore de, comment dire, de compétences militaires. Il y a donc une assimilation de cet art de la plume à l'escrime ou de la rhétorique à l'escrime. Les anciens se rompaient à la rhétorique, un peu comme autrefois, les gens comme il faut apprenaient l'escrime. La rhétorique était une arme qui, dans bien des cas, sauvait la vie, un instrument de protection autant que d'ambition. Devant ces assemblées de peuples cruels et mobiles, un dénonciateur éloquent pouvait vous perdre. Il fallait être à chaque instant en mesure de parer à un effet oratoire. La rhétorique était la sauvegarde de l'homme public, comme fut l'épée plus tard pour le gentilhomme. Sainte-Beuve assimile art de la plume et art de l'épée. Le Collège de France et France Culture vous présente Antoine Compagnon, aujourd'hui Malices et Vengeances de Sainte-Beuve. Il y a un personnage, un écrivain contemporain, qui est cité habituellement pour ce passage de l'épée à la plume et peut-être de manière plus intéressante de la plume à l'épée. Baudelaire parle aussi de lui, c'est Paul de Molène. Paul de Molène, c'est celui qui est soldat en critique. Sainte-Beuve s'en prend toujours à lui en disant qu'il est bravache et il le compare à Cyrano. Il dit de lui « Son travers, dès le collège, a été de faire le grand garçon. » Et il fait le grand garçon en critique. Et puis, en 1848, il se fait officier. Donc, c'est quelqu'un qui passe de la plume à l'épée, ce qui est rare. Il s'affiche en soldat. Il est même blessé dans une barricade en juin. Et Sainte-Beuve se dit « Maintenant, il pourra être modeste. » Mais en fait, il se révèle qu'il est incorrigible. Même après avoir pris une barricade et être blessé, il continue à s'afficher en soldat. Et Paul de Molène, l'écrivain, mourra d'ailleurs d'une chute de cheval. Voici ce qu'écrit Baudelaire, et ça nous montre bien l'image de cet écrivain soldat. Paul de Molène, un de nos plus grands, charmants et délicats romanciers, vient de mourir d'une chute de cheval dans un manège. Monsieur Paul de Molène était entré dans l'armée après le licenciement de la garde mobile, 1848, tant était vif et irrésistible en lui le goût de la vie militaire, goût qui datait de son enfance et qui profita pour se satisfaire d'une révolution imprévue. Certes, voir un vigoureux trait d'originalité, voilà un vigoureux trait d'originalité chez un littérateur, qu'un ancien militaire devienne littérateur dans l'oisiveté d'une vieillesse songeuse, cela n'a rien d'absolument surprenant, mais qu'un jeune écrivain, ayant déjà savouré l'excitation des succès, se jette dans un corps révolutionnaire par pur amour de l'épée et de la guerre, voilà quelque chose qui est plus vif, plus singulier et, disons-le, plus suggestif. La guerre pour la guerre, eût-il dit volontiers, comme d'autres disent, l'art pour l'art. Donc c'est le modèle de l'écrivain qui passe de la plume à l'épée, contrairement au topos, depuis l'âge classique, à la Cyrano, d'aller de l'épée à la plume. Mais cela confirme bien cette stratégie de conquête, tout ce vocabulaire de la conquête militaire que Sainte-Beuve emploie partout dans ses cahiers. Entrer à la place, dit-il, c'est une recommandation qu'il fait à lui-même, la place, c'est la littérature. Entrer dans la place, l'épée à la main, comme un gentilhomme, et non pas le coutelas en main, comme un garçon boucher. Donc il faut prendre la littérature avec une épée, et non avec un couteau de boucher. Alors, qui sont les garçons bouchers de la littérature auxquels il pense? Je pense que ce sont tous les charlatans. Vous vous souvenez de ce qu'il disait d'Armand Carrel, hein, mort en duel, il est puni par où il a péché. Tous ceux qui se serviront de l'épée périront par l'épée. Quant à lui-même, donc, il ne faut pas, dit-il, utiliser un couteau de boucher, mais une épée de soldat. Quant à lui-même, dit-il, c'est une phrase que je ne sais pas très bien m'expliquer, « J'ai l'épée courte et fréquente », dit-il. Que veut dire avoir l'épée courte et fréquente? L'épée littéraire. Hein. Courte, ça veut dire, je pense, comme une arme courte, comme un poignard. et fréquente, insistante, qui revient. J'ai l'épée courte et fréquente. Mais je pense qu'on ne peut pas exclure ici un sens qui serait sexuel, parce que Sainte-Beuve utilise toujours l'image de l'épée quand il parle de non seulement de la littérature et de l'écriture, mais aussi de l'amour. En fait, d'amour, vous voyez que la métaphore militaire est là aussi, mon armée est détruite. Je n'ai plus qu'une poignée de troupes. Je puis encore tenter un coup de main et entrer à la pointe de l'épée dans une place, mais je n'y puis plus tenir garnison. Donc c'est exactement les mêmes images que pour cette conquête de la place littéraire. Et il y a toujours aussi, lorsqu'il parle de l'art littéraire, cette tenir beaucoup de troupes. Le vrai écrivain, c'est celui qui tient des troupes nombreuses. La vie après 33 ans est une bataille perdue. Il ne s'agit plus que de la bien perdre. Il ne s'agit plus que de rendre honnêtement l'épée et de faire la paix avec le temps, ce grand vainqueur. Hein ? Donc cette image de l'épée qui n'a plus la même vigueur dans cette période. Et lorsque Sainte-Beuve fait son cours malheureux au Collège de France, hein, puisqu'il a été élu au Collège de France en 1855, et que ces deux premiers cours, il y a eu de tels chahuts organisés par les libéraux qu'il a abandonnés. Hein, son nom est resté à l'affiche, mais il se faisait suppléer. Il renonce en disant qu'il va désormais recourir à ma vraie force, à ma plume qui est mon épée. Ma plume, il a perdu le combat du Collège de France, perdu la guerre du Collège de France, et ça sera la plume et l'épée. Bon, on voit donc que partout, pour Sainte-Beuve, l'art d'écrire, c'est un art de la guerre, c'est un art du terrain. L'écrivain fait mouvoir des troupes, il est comparé à un général. Assembler, soutenir et mettre en jeu à la fois dans un instant donné le plus de rapports, agir en masse avec concert, c'est là le difficile et le grand art, qu'on soit général d'armée, orateur ou écrivain. C'est le même art, l'art de la guerre, l'art du discours et l'art littéraire. Il fait l'éloge de quelqu'un comme Berryer, le grand avocat légitimiste, c'est un vrai guerrier, et vous direz qu'il parlait de l'orateur. L'orateur, c'est le même art. Berryer, dit-il, c'est l'homme des grandes batailles rangées, non de la guerre des partisans. Un discours de Berryer, à la cour ou à l'Assemblée, eh bien, il fait avancer toutes ses troupes. C'est grandiose, c'est harmonieux, un grand éloge de cet art du discours. L'art littéraire, l'art du discours, c'est donc un combat, une bataille rangée, comme il dit, et ce qu'il condamne, c'est cette guerre de partisans, c'est la polémique. Sainte-Beuve fait l'apologie de la guerre, non pas de la guérilla. Je n'aime pas la polémique, dit-il, mais la guerre, la vraie guerre qui porte ou reçoit de rudes coups. La vraie guerre avec des coups de tous les côtés. Il est donc pour cette guerre des idées, mais contre le combat des personnes. Tout cela est décrit comme une guerre constante, mais c'est une guerre où l'on doit se retenir d'achever. On ne doit jamais tuer l'adversaire, dit Sainte-Beuve, car on envie d'avoir des ennemis. Les condottieri, autre figure que j'avais analysée l'an dernier, avaient garde de se faire du mal, mais ils se faisaient une réputation. Donc il faut se battre, mais il faut se battre comme les condottieri de la Renaissance, sans se faire mal, comme dans la lutte. Nous sommes, dit-il, dans l'ère des gens de lettres, non pas des gens de lettres véritables, mais des gens de lettres industrielles. Ils s'entendent, ils occupent les postes dans les journaux, ils tiennent le pays comme ces bandes de condottieri. Donc c'est une guerre, mais une guerre qui a une dimension ludique tout de même, ou rhétorique, qui ne doit pas aller jusqu'au bout. Et elle est à distinguer, souligne toujours Sainte-Beuve, du mot qui tue, du mot qui blesse, justement de ces personnalités que je décrivais l'année dernière. La personnalité, c'est l'injure ad personam. Il y a un souci de Sainte-Beuve de se distinguer de cette tradition de la violence, de la culture et du sang, qu'il voit suivant le modèle de Joseph de Maistre. Donc c'est condamné, c'est Joseph de Maistre qui sacralise le guerrier, le soldat, le bourreau. Monsieur de Maistre a la parole insolente, offensante. Il a besoin de la placer. S'il n'en trouvait pas sujet chez ses ennemis, il se dédommagerait sur ses amis. Alors il y a ce modèle de tous ceux qu'il condamne qui, s'ils ne peuvent pas blesser les ennemis, eh bien blesseront les amis. À défaut de Napoléon pour point de mire, il aurait le pape, l'apologiste du pape. Peu lui importe, pourvu qu'il frappe et que sa verve s'exerce. C'est l'histoire de Chateaubriand. Il y a une longue série maistrienne de Maistre, de Lamennais, de Lacordaire, de Montalembert, de Berryer, de Lamartine, de Villemain, de Cousin, et s'il est permis de le nommer après eux, de Veuillot. Veuillot dans cette lignée maistrienne de soldats qui fétigisent le combat pour le combat, la guerre pour la guerre, qui veulent détruire l'adversaire. Et bon, Sainte-Beuve revient souvent à ce thème. Veuillot, dont j'ai parlé les dernières fois, Veuillot, dit-il, Dieu n'est pour lui que la position stratégique la plus élevée. Il a choisi Dieu parce que, dit-il, il s'établit pour pouvoir de là canonner le reste des humains. Donc si on a choisi le parti de Dieu, eh bien on peut canonner tout le monde. Montalembert, il dit de lui, Sainte-Beuve dit, il y a des gens qui, lorsqu'ils vous lâchent une parole dure, ajoutent par manière de correctif, soit dit sans vous offenser, mais à chacune des paroles dures qu'ils vous lancent, M. de Montalembert, au contraire, semble dire, soit dit pour vous offenser. Et il y a donc tout ce groupe de ces écrivains qui blessent, qui sont hargneux, qui sont vindicatifs. En face d'eux, eh bien, Sainte-Beuve se présente comme un personnage, dit-il, modéré. Il est le modèle du modéré. J'avais analysé, à propos de Veuillot, l'expression mitoyen. Mitoyen. Et Veuillot disait, on ne peut pas être mitoyen entre les deux. On ne peut pas être modéré. Et Sainte-Beuve, au contraire, dit, je suis l'esprit le plus brisé, le plus rompu aux métamorphoses. Bon, je vais vite sur tout ça, mais cette idée qu'il est homme du milieu, équidistant, il est toujours entre les deux, il dit par exemple, et il en tire gloire, « En parlant de Condorcet, j'ai déplu à Génin. » Génin qui est un radical, j'en ai parlé à propos de Veuillot, c'est un républicain. « Et en parlant de Bonald, j'ai déplu à Veuillot. C'est bon signe. Inter utrumque tene. » Il faut se tenir à égale distance. Bon, c'est un mot d'ordre chrétien. Sainte-Beuve dit, c'est encore un mot de ses cahiers à la toute fin de sa vie, « J'avais retenu du christianisme et j'ai gardé longtemps l'habitude de me diminuer plutôt que de me grandir. Des amis m'ont averti, j'avais affaire dans la lutte de la vie d'une part à des adversaires et à des ennemis, sur cette idée des ennemis, qui s'emparaient de mes paroles et me prenaient au mot pour me rapetisser. Si j'étais modeste, les autres me rapetissaient. Et d'autre part, à des rivaux qui, eux, allaient se gonflant et se glorifiant sans cesse. La partie était trop inégale, j'ai alors dû me tenir une voie moyenne. La voie moyenne entre la modestie et, bien cette glorification constante. Le modèle de ce qui se gonfle tout le temps, c'est Hugo. Les mots que Sainte-Beuve utilise pour parler de Hugo dans ses cahiers, c'est Hugo baleine ou Hugo vessie. Baleine et vessie, c'est l'image même de ce gonflement de ces personnages. Il y a donc toujours l'idée que, au fond, d'être insulté par l'autre est le signe qu'on est dans la vérité. Et cela n'empêche pas Sainte-Beuve de présenter toujours sa carrière, son œuvre, comme une suite de combats. Il emploie le terme de campagne, suivant le modèle militaire ou guerrier. Et ces campagnes, ce ne sont pas des exercices sur le terrain de manœuvre, ce sont des guerres. Dans le cahier brun, j'ai mené assez volontiers ma vie littéraire comme on fait pour la guerre. Et je la divise en campagnes. Et il développe dans les portraits littéraires, dans le texte qui s'appelle « Un mot sur moi-même », il développe longuement cette image. Il décrit toute sa carrière comme celle d'un soldat des lettres. Dans ces campagnes, j'en viens à l'armement. Quel est l'armement dont dispose Sainte-Beuve ? Ben, les armes, c'est ce que j'avais donné comme titre à la leçon, ce sont des malices et des vengeances. Le mot de malice est un mot très important dans les textes de Sainte-Beuve. C'est le nom qu'il donne aux armes, aux mines de cette petite guerre des lettres. Et on pourrait dire que malice, c'est un des mots de prédilection de Sainte-Beuve. Ça désigne les rosseries, les roueries, les diableries, les médisances littéraires. Et la malice, elle doit être rusée, elle doit être petite. Ce sont les petites malices que privilégie Sainte-Beuve. Et par exemple, il condamne les Hugo Vessi, Hugo Baleine. Ce sont des grosses malices. Les malices de Hugo, dit-il, sont cousues de câbles blancs. Donc ce ne sont pas du tout de fines malices que celles de Hugo. En revanche, l'un des êtres les plus malicieux du milieu littéraire, c'est Béranger. Béranger, ce sont toujours des petites malices qu'il aime à dire. Et ce sont des malveillances, des médisances sur Chateaubriand, sur ses amis. C'est toujours des médisances sur ses amis, sur Lamennais, sur Lamartine. Et Sainte-Beuve, lui, s'intéresse à ces malices. C'est un mot, par exemple, caractéristique de Latouche. Latouche, le romancier de Fragoletta, c'est l'emblème, le modèle de cette nature rouée, perverse. Latouche, c'est le champion de la malice. Et lorsque Sainte-Beuve lui consacre un article nécrologique en 1851, il y a une liste de toutes les malices de Latouche. Il nous faut pourtant en venir à quelques-unes de ces malices si vantées. Alors la malice, c'est très souvent un mot à double entendre. Par exemple, il écrit une épître qui sert de préface au premier recueil de vers de son ami Ulrich Guttinger. Et ce poème se termine par ce vers « Imprimez-les vos vers et qu'on n'en parle plus ». L'épître est à double fin, dit Sainte-Beuve. Elle fut imprimée en tête du recueil de M. Guttinger, qui, au premier moment, l'avait reçue dans le sens amical et favorable. Les malices couvertes qu'elle recelait ne sortirent qu'au grand jour de l'impression. C'était trop tard. Cependant, M. de Latouche se frottait les mains et en triomphait. Chaque fois que Sainte-Beuve parle de la touche, il se frotte les mains. Le propre du malicieux, c'est de se frotter les mains. Il n'avait pas plus grand plaisir, quand il écrivait dans un journal, que d'y faire passer de ses malices cachées ce qu'on appelle des couleuvres. La couleuvre, c'est cette malice dont le double entendre n'est perçu qu'une fois qu'elle est imprimée. On ne s'en aperçoit qu'après la publication. Il s'arrange pour fourrer donc des ironies, des couleuvres dans ses articles. Terminons avec cette notion de couleuvre. La couleuvre, c'est donc cette malice à retardement, cette insinuation perfide. Et il y a des hommes qui sont spécialistes des couleuvres. Lorsque Sainte-Beuve rencontre de ses visites académiques, les propos que lui tiennent les académiciens lui font cet effet que ces hommes se comportent comme des couleuvres. Alors bien sûr, la couleuvre, c'est un animal qui est inoffensif, qui ne tuera pas, justement, qui fait peur et qui ne tue pas. Et la couleuvre est évidemment quelque chose qui est très répandu dans cette période. J'évoquais Veuillot. Veuillot est l'auteur d'un recueil de poèmes qui s'appelle « Les couleuvres ». Et c'est un recueil qui, évidemment, est la plupart du temps sarcastique. La couleuvre, Barbé de Reville utilisera beaucoup cette expression encore. La couleuvre, c'est cette tortuosité perfide. C'est la louange perfide. Sainte-Beuve reconnaît qu'il a souvent utilisé de ces couleuvres. Il dit « J'ai eu quelquefois la louange perfide. Reprehensio inter laudem sit. » La répréhension dans la louange. Malevolentia in benevolentia, la malveillance dans la bienveillance. Et ce art de Sainte-Beuve, de la louange perfide, était bien repéré. Ainsi, dans le Figaro, on disait que Sainte-Beuve ne faisait pas un pas sans blesser un voisin. Hein ? C'est une sorte de dommage collatéral de sa critique. C'est Sainte-Beuve lui-même qui note ce trait dans le Cahier brun et qui fait ce commentaire sur lequel je terminerai. Le Figaro est une boutique qui a une porte donnant sur le bordel et une autre sur la sacristie. C'est pas une couleuvre, ceci, mais comme dit Sainte-Beuve, dans ce cahier, il y a les poisons. Avec lesquels il tire ses couleurs. Et remarquez comme couleur ressemble à couleuvre. Les couleurs de Sainte-Beuve sont ses couleuvres. Merci. C'était les cours du Collège de France le 27 mars 2018. Vous venez d'écouter le cours d'Antoine Compagnon. Aujourd'hui, Malices et Vengeances de Sainte-Beuve. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Antoine Compagnon. Sa série sur les chiffonniers de Paris a donné lieu à un bel ouvrage publié sous ce titre chez Gallimard en 2017. Un grand merci à Andy Signoret de la Bibliothèque de Radio France, réalisation Anne Sacheret, présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous achèverons aux côtés d'Antoine Compagnon l'évocation de Sainte-Beuve et sa série sur les grandes figures de la guerre littéraire. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.